Rappelle-moi comment on dit « je regrette, mais » ou « je suis désolé, mais » Mi dispiace. Mi dispiace. Ma. Maintenant, si vous enlevez le dis, il vous reste mi. Mi piace. Mi piace, qui signifie ça me plaît ou j'aime, et qui s'emploie énormément en italien. Mi piace, ça me plaît, j'aime. Mi piace molto, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. Mi piace molto. Alors, comment dit-on « j'aime beaucoup le faire » ? Mi piace molto farlo. Mi piace molto farlo. Mais je ne veux pas le faire maintenant. Ma non voglio. Le faire maintenant. Farlo ora. Oui, voilà. Mi piace molto farlo, ma non voglio farlo ora. Ou alors, ma non lo voglio fare ora. Dites maintenant, je le ferai plus tard si j'ai le temps. Sachant que ferai se forme sur le même modèle que donnerai. Autrement dit, fare comme dare est une exception au futur. Il garde son A. Alors, je le ferai plus tard si j'ai le temps. Lo farò. Bien, lo farò. Plus tard. Più tardi. Più tardi. Più tardi. Oui, c'est ça. Lo farò più tardi. Comment dites-vous si? Se. J'ai le temps. Se ho il tempo. Se ho il tempo est une solution possible et on l'emploie surtout quand il y a un verbe après. Par exemple, se ho il tempo di farlo. Si j'ai le temps de le faire. Quand on précise le but à atteindre. Sinon, on dit se ho tempo, qui marche dans tous les cas. Par exemple, lo farò se ho tempo. Je le ferai si j'ai le temps. Alors, maintenant, rappelle-moi comment on dit j'aime. Mi piace. Mi piace. Dites-moi, j'aime beaucoup parler italien. Mi piace molto parlare italiano. Bien, mi piace molto parlare italiano. Et maintenant, comment diriez-vous? Aimez-vous? Est-ce que vous aimez? Ou mot à mot, est-ce que ça vous plaît? Sans oublier que ce « vous » est en fait l'équivalent de « à vous ». Les, c'est ça. Les piace. Les piace serait plutôt simplement vous aimer, tandis que pour aimez-vous, donc pour une question, l'intonation monte. Les piace. Maintenant, dites-moi, je n'aime pas rester ici. Mi dispiace ou alors non mi piace? Plutôt non mi piace. Parce qu'avec mi dispiace, on dépasse l'idée de ne pas aimer. C'est vraiment je suis désolé, je regrette. D'accord. Alors, non mi piace. Restez ici. Restare qui. Les deux verbes conviennent pour cette phrase. Non mi piace stare qui. Ou bien non mi piace restare qui. Comme vous le savez, on utilise stare surtout dans des phrases comme sto mangiando, je suis en train de manger, ou sto per mangiare, je suis sur le point de manger. Mais on peut aussi l'employer de façon familière à la place de restare. Mais pour simplifier, je vous conseille de toujours traduire rester par restare. Bon, dites-moi de nouveau, j'aime beaucoup le faire. Mi piace molto farlo. Oui, mi piace molto farlo. Et comment diriez-vous Je veux le faire, mais je ne le ferai pas. Voglio farlo. Mm-hmm. Voglio farlo, mais je ne le ferai pas. Ma non lo farò. Oui, voglio farlo, ma non lo farò. Donc, je ne le ferai pas, c'est non lo farò. Je veux le faire, encore une fois. Voglio farlo, farlo. Pas farlo, mais farlo. Ah, alors ce n'est qu'au futur qu'on insiste sur le... Oui, ce n'est qu'au futur qu'on insiste sur ro et ra, c'est-à-dire sur la fin du mot. Mais ici, ce que vous avez, ce n'est pas un futur. Ce sont deux mots séparés, le, faire, qui fusionnent ensemble. On accroche le lo au verbe fare tout en laissant tomber le e final, ce qui donne farlo. Farlo. Donc je veux le faire. Voglio farlo. Voglio farlo. Oui. Vous savez qu'on peut aussi mettre lo au début de la phrase et dire mot à mot je le veux faire. Donc voglio. Je le veux. Voglio. Non, soit on met lo tout au début, soit on le rattache à l'infinitif. Bah d'accord, donc carrément au début. Donc on dirait lo voglio. Voilà. Lo voglio fare. C'est ça. Lo voglio fare. La seule chose qu'on ne puisse pas dire, c'est voglio lo fare. Ça n'existe pas. Mais sinon, vous pouvez soit raccrocher le lo au verbe voglio farlo, soit le mettre tout au début. Lo voglio fare. Même si vous choisissez de toujours raccrocher le lo à l'infinitif, il est quand même important de pouvoir comprendre quelqu'un qui vous dirait « lo voglio fare » et de savoir que c'est la même chose.